Pour le Québec, en 92. Québec, c'est quoi ça? La province de Québec. Ce Québec-là. Ce Québec-là. En connais-tu un autre? Ah oui, oui. Lequel? Ah, le Québec psychologique, le Québec philosophique, le Québec politique, le Québec ésotérique et le Québec géographique. Lesquels tu vas parler? Oui, c'est ça. Quelle révélation tu peux nous faire sur le Québec? Toutes celles que tu veux. La troisième. La troisième? La troisième contredit la première. Et la première, c'est? C'était qu'il va se séparer. La troisième, c'est qu'il ne se sépare pas tout de suite. On passe à la quatrième. La deuxième est intéressante. Pour les gens qui se conscientisent, oui, au niveau du Québec. Bon, c'est qui ça, les gens qui se conscientisent? Tantôt, tu as fait la différence entre ceux qui évoluaient et ceux qui se conscientisaient. Non, tout le monde évolue sur la planète. Ouais. Les plantes évoluent, les animaux évoluent, l'humain évolue dans sa fibre physique, vitale, psycho-émotive, mentale. Ouais. Et il y a des êtres aussi qui se conscientisent. Mm-hmm. Bon, même ceux qui se conscientisent sont encore assujettis au phénomène du mérite, à l'évolution. Okay. Quand on dit évoluer, c'est pas drôle. C'est vrai. Mais se conscientiser, c'est drôle, en maudit, par exemple. Donc, il y a des gens qui évoluent, qui se conscientisent, puis il y en a d'autres qui se conscientisent sans évoluer. Non, ceux qui se conscientisent évoluent tous présentement. Écoute bien, il faudra t'écouter la conférence après. Oui, je vais... C'est enregistré sur cassette et ce serait bon. C'est bien. En prendre deux copies. Donc, ceux qui évoluent, quelques-uns se conscientisent. Ceux qui se conscientisent évoluent encore tous présentement parce qu'ils restent assujettis aux mécaniques d'évolution planétaire, aux mécaniques du mérite, aux mécaniques de la valorisation psychologique ou de la valorisation intellectuelle. Parce qu'à un moment donné, on ne se valorise plus nécessairement émotivement, on se valorise intellectuellement. C'est encore l'ego qui s'amuse là-dedans, mais au lieu d'être seulement au niveau de l'émotif, je m'aime bien, je suis fort, je suis beau, j'ai des gros bras, mais à un moment donné, ça va être, je suis intelligent, je comprends plus vite qu'un autre, ou encore, je comprends, puis l'autre ne comprend pas. Même dans la conscientisation, à un moment donné, on peut découvrir ce qu'on appelle le snobisme. Un ego, ça reste un ego. À cause de l'intellectuance, la personne la réamène tout à elle. Au Québec, il va se passer des choses intéressantes. Premièrement, il va y avoir encore un peu plus de chômage. Hein? Il va y avoir quelques pertes d'emploi dans certains secteurs durement touchés jusqu'à date. Ça va arriver. Non, ce qui va arriver. Écoute, bon. Il va y avoir une quantité intéressante de divorces et quelques mariages. Continue. Mais il y aura des naissances. Mais tu vois d'autres choses? Oui, continue. Bon, il y a des avions qui vont survoler l'espace aérien canadien. So, okay. Il va y en avoir un qui va de la difficulté. Allez. Si on regarde de niveau moins palpable, d'un côté plus ésotérique, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va plus se flyer. Passer? Plus flyer. Okay. Plus flyer au Québec, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est très intéressant avec le Québec, c'est que, premièrement, le Québec politique, on sait ce que c'est. Hein? C'est une espèce de dessin particulier sur une carte à côté du point Toronto. C'est une carte. C'est le Québec, ça. Bon. Le Québec ésotérique, c'est la majorité du Québec, excluant le canton de l'Est, une petite partie de la côte du Labrador. Ça inclut le sud de l'Ontario, ça contourne un peu l'Ontario, puis ça ramasse une partie des territoires du Nord-Ouest, une partie des plaines de l'intérieur. C'est le bouclier canadien. Ça, c'est le Québec ésotérique, connu en Europe, en France, entre autres, bien avant Michel de Nostradamus, sous le nom K-E-B-E-K, Québec. C'est la future terre promise, et c'est ce qui pousse énormément de personnes à immigrer vers le Québec politique, avec de l'espoir, puis quand ils arrivent ici, ils sont un petit peu désillusionnés. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit comme ça. Il n'y avait rien là-bas, puis ici, ben, on est là, au Queen Elizabeth en attendant, mais c'est décevant pas mal. Pourquoi? Parce que inconsciemment, spirituellement, ils veulent chercher quelque chose. Donc, le Québec, c'est une terre qui est très, très intéressante. Au Québec, en 92, mais pas 92 en réalité, dans les années 90, mais ce qui va, disons, émerger un peu plus en 92 au Québec, c'est qu'il y aura des êtres humains. Les contacts extraterrestres ont eu lieu jusqu'à date en Union soviétique, en Espagne, au Mexique, au Costa Rica, aux États-Unis, en Éthiopie, en Afrique près du Kilimanjaro, il y en a eu quelques-unes au Pérou, il y en a eu en Australie, et en 92, on va avoir un peu plus de contacts extraterrestres d'ordre contacts, disons, pas humains, mais physiques. entre les unités carbone et puis certains personnages de d'autres mondes. La question intéressante que je devrais me poser, c'est est-ce qu'il y a des extraterrestres qui sont dangereux? Y a-t-il des extraterrestres qui sont dangereux? Oui, c'est une bonne question. Bonne question. C'est quoi cette prison? La deuxième. Pas mal bonne question, franchement. Y a-t-il des humains qui sont dangereux? Il n'est pas au courant, il lit pas les journaux. Là. Oui, il y a des humains qui sont dangereux. OK. Il y a des extraterrestres qui sont dangereux. Les extraterrestres sont pas tous extra. Et puis, effectivement, il y a, l'humain a une vision encore spirituelle de l'extraterrestrialité. C'est-à-dire que l'humain s'imagine encore très souvent que tout ce qui provient du neuf fait partie de ce qui est bon pour nous autres. Un peu comme les Incas lorsqu'ils attendaient les dieux blancs arrivant sur des animaux fabuleux. Mais lorsque les Espagnols sont arrivés à cheval, ils ont pris, ils ont adoré tout de suite. Puis comme la majorité des divinités, évidemment, ils en ont profité. Bon, les Espagnols, je parle. Ceux que tu parles, les extraterrestres qui vont faire le contact avec les humains. Il y a des contacts qui se font depuis longtemps déjà avec des scientifiques, avec des gouvernements. Le gouvernement québécois est déjà... Quand je parle du gouvernement québécois, je parle du gouvernement québécois. Je ne parle pas de Robert Bourassa. Je parle du gouvernement québécois. Le gouvernement québécois, le gouvernement canadien, c'est pas Brian Mulroney. Le gouvernement canadien, c'est une partie de la GRC, puis d'autres choses. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà en contact avec des individus qui ont eu des contacts ou carrément contact. Mais quel genre d'extraterrestres que ce sont, ceux-là? Des bons, des pas bons, c'est quoi le but? Leur but, premièrement, la majorité des mécaniques extraterrestres planétaires, ce sont des êtres qui viennent pour essayer de trouver des solutions à leurs propres problématiques, en majorité. Et certains autres viennent simplement pour voler la génétique de l'humain. Est-ce qu'ils se connaissent? Bon, il y a eu des petites confrontations de temps en temps, mais plus souvent qu'autrement, c'est par l'intermédiaire d'humains qui se sont rencontrés, dans le passé. Mais ça, c'est le passé, c'est pas 92. En 92, il va y avoir au Québec des interventions, puis un peu plus de visualisation. Le monde va commencer à triper un plus. Il y a un peu plus de flyers qui vont dire en avoir vu. Bon. Puis il y en a évidemment qui vont commencer, il y a tout autour du monde pour charlataniser les choses. Ils vont s'arranger pour truquer des cossins. Mais il y a de plus en plus de gens qui vont vibrer le phénomène extraterrestre au Québec parce qu'il y aura un peu plus de contacts. Maintenant, ce qui est surtout intéressant, c'est que les individus qui vont rencontrer les extraterrestres intéressants au Québec, et c'est la première fois que ça va se faire depuis Abraham, donc depuis quelques temps, depuis quelques années, c'est qu'il y a certains Québécois qui vont rencontrer des extraterrestres qui ne voyagent pas en soucoupe volante. Ils voyagent comment? Ils se déplacent comment? D'où ils viennent? Ah, il n'était pas capable la première partie, mais là, il y en a des questions. Bon, ils se déplacent comment? Qui ils sont? D'où ils viennent? Ils se déplacent par transport séraphique. Ça veut dire qu'ils voyagent pas mal plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, on sait que c'est une vitesse limitée à 299 792,5 km à la seconde. C'est une vitesse qui est limitée dans le continuum actuel du contexte planétaire, qui est limitée en fonction du fait que les énergies maximales connues par l'humain sont des énergies qui n'ont pas de masse, qui font partie du photon, du neutrino, et des neutrinos lourds, par exemple, qu'on va découvrir prochainement. Mais en tout cas, et au-delà de cela, il y a d'autres formes d'énergie. Si on regarde, par exemple, l'intelligence. L'intelligence, c'est une énergie. La pensée, c'est une énergie. C'est intéressant, la pensée. La pensée, on pourrait presque considérer que c'est instantané, parce que si tu pourrais voyager à la vitesse de la pensée, tu penses à être sur Mars, tu es sur Mars. Mais comme tu constates, pense à être sur Mars, c'est encore ici. Bon. Fait que la pensée voyage lentement. Bon. Ça voyage bien lentement, la pensée. Parce que la pensée, c'est un virus, de toute façon, qui vient piller la conscience de l'homme. La pensée appartient même pas à l'humain. Il la contrôle pas non plus. Bon, il se fait contrôler par sa pensée, ça pense dans sa tête. Le transport séraphique, c'est une extension tentaculaire de ce que l'humain va connaître de plus en plus sous le nom du double éthérique, qui est la création d'un corps qui n'est pas un corps matériel, qui est un corps supraatomique, donc qui est un corps créé à même les énergies qui normalement constituent les quarks, c'est-à-dire qui va constituer, disons, qui crée la même énergie intra-atomique, pour simplifier les choses. Et le transport séraphique, c'est l'extension tentaculaire, donc, de ce double éthérique-là, qui est un corps qui est créé pendant la conscientisation humaine, c'est-à-dire que l'humain vit ça, L'humain, pendant sa conscientisation, vit la fonte de son ego, qui ce que j'appelle la négoïsation. L'humain, pendant sa conscientisation, vit donc de la négoïsation. Plus l'ego fond, plus ce que l'humain appelle l'âme devient transparent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de mémoire, d'expérience, de rituels, de traditions, de peur, d'habitude, d'angoisse, de joie, de mémoire, etc. Et plus l'âme devient pure. Et quand l'humain vit la négoïsation, c'est-à-dire que quand l'humain finit par abandonner progressivement, pas par une méthode de respiration védique, par choc psychologique, c'est-à-dire que quand l'humain vit de la conscience, et la conscience, ça ne se commande pas, ça se constate. Et quand l'humain vit de la conscience, quand l'humain est capable de supporter l'écœurement sans se déprimer, progressivement, l'humain finit par vivre sérieusement en se prenant de moins en moins au sérieux, parce que l'humain finit par se rendre compte des futilités de toute la trame que l'humain appelle l'expérience de la vie. Tout ça au complet, ça ne sert à rien. Tu viens au monde, tu vis, tu meurs. C'est intéressant d'aller s'engueuler avec le voisin parce qu'il a mis sa clôture 2 pouces sur ton terrain. Et c'est génial. C'est typiquement humain, ça, là, bon. C'est génial, ça. Alors, à un moment donné, tu finis par en avoir... Ça, c'est plus ça qui est l'important. Tu es très matériel parce que tu dois nourrir ton corps physique, ce qui fait que tu comprends ce que c'est que la richesse. Tu finis par ramasser de l'argent, du temps. Ça te donne la santé, ça te donne le temps pour exprimer ta conscience, et pas quelque chose. Tu finis par monnayer ton intelligence, puis donc tu sors totalement des mécaniques méritoires, dans le genre la femme accouchera dans la douleur, puis l'homme devra gagner son pain à la sueur de son front, ou du front des autres, disent d'autres personnes. Tu t'extirpes totalement de ça. Le transport séraphique peut apparaître, l'humain peut en faire. Hein? Je connais des individus qui en ont fait un petit, ils sont descendus à l'époque de l'an 1000 à peu près. Ils n'ont pas été plus loin que l'an 1000, si vous voulez. Chacun est limité parce qu'il est limité. Ah, bon. Et le transport séraphique, c'est qu'à un moment donné, par la négoïsation, l'humain finit par développer de l'intelligence. L'intelligence va engendrer une troisième sphère cérébrale. On a 2 sphères présentement, une hémisphère gauche et une hémisphère droite. Relié à la glande pinéale, il y a un 3e cerveau qui apparaît progressivement, qui n'est pas un cerveau biologique. Et ça va frustrer un peu certains scientifiques. D'ailleurs, les scientifiques acceptent l'amour parce qu'ils sont capables d'aimer. Une chance, parce que si les scientifiques ne pourraient pas aimer, l'amour, ce serait une farce. On vous enfermerait, ceux qui aiment. Progressivement, il y a des scientifiques, d'ailleurs, déjà là, qui commencent à avoir un développement du 3e cerveau. Et le 3e cerveau te permet d'avoir une conscience intelligente chez toi. Cette conscience intelligente-là, elle permet d'adoucir et d'amener des chocs au niveau de l'ego. Chaque fois que l'ego est fractionné par un choc, il y a une égoïsation. Chaque fois qu'il y a une égoïsation, il y a augmentation du volume de ton corps vital. Donc, normalement, tu vas vivre certaines faiblesses au niveau psycho-émotif. Tu vas normalement vivre certaines maladies au niveau physique. Progressivement, les maladies vont commencer à s'estomper. Tu commences à être solide psychologiquement. Et progressivement, ton corps physique finit par être exclu de maladies. Puis tu commences à créer un double éthérique. Puis un paquet d'autres phénomènes sur lesquels on pourra finir. De façon, au courant de l'année, une fois par mois, je donne donc 2 conférences. Puis je veux justement parler à peu près uniquement des principes même de la conscientisation. Tu ne pourras pas me poser des questions sur d'autres choses. Autre que ça. Prophétisant en soi. Bon. Et lorsque l'humain, le transport éthérique, ça fait partie de la conscientisation, ça c'est une chose. Et progressivement, l'humain finit par avoir un corps qui est différent, un corps auquel il est relié lui. Puis à un moment donné, un processus de fusion peut s'enclencher entre le double éthérique et lui-même. Il y a des extraterrestres qui, eux, ne vivent pas avec un corps physique encore. Ils n'ont pas vécu le processus de négoïsation. C'est toute une autre paire de conscientisation qu'ils ont vécu, pas comme l'humain. Et ils sont capables, présentement, par expansion tentaculaire, de se transporter simplement ici, à l'intérieur des doubles éthériques en constitution de certains humains québécois, entre autres. Il n'y a quelques-uns ailleurs sur la planète, mais c'est surtout au Québec que se concentrent présentement les êtres qui se conscientisent. Et il y a donc des extraterrestres comme ça qui se promènent, qui vont venir ici par transport séraphique, ce qui va permettre à certains individus québécois d'avoir accès à de l'information, non pas reliée au savoir instantané, mais qui va être reliée à l'expérience du neuf. Il y a une grosse nuance là-dedans. Si tu veux savoir, je t'en parlerai à un moment donné. Deuxième question, c'est qui sont-ils? Ben, ce sont des personnages intéressants qui existent uniquement parce que nous existons, et si nous cessons d'exister, ils n'existeront plus. Donc, c'est nous dans le futur. C'est parce que tu as déjà entendu ça quelque part, mais parce qu'il n'y a pas de relation directe là, là comme ça, là. Là. Mais c'est ça le savoir. C'est ça le savoir. Ah bon, hein, c'est bien, règle de base. C'est bien. Mais moi, j'ai senti une fibre mémorielle quelque part à travers. Bon. Mais effectivement, c'est la majorité des transports séraphiques vont être le contact, pas tous. Mais ça va être le contact avec des mécaniques qui proviennent de l'avenir. La majorité des individus qui vont entrer en contact avec des mécaniques extraterrestres, la majorité vont se rencontrer eux-mêmes. Mais c'est une grosse question. On pourra revenir là-dessus de façon courante l'année. On parle, oui, oui on parle d'extra. Il y a aussi des intra. Oui, ceux-là, ils sont enterrés, ceux-là, c'est pas un gros problème. Ça gargouille dans le sol, puis c'est tout. Oui, mais il semble de plus en plus bougeot, on entend de plus en plus parler. Avant, oui, c'est normal, les intraterrestres ont besoin de la génétique de l'humain. Ça fait des années qu'ils piquent des vaches, qu'ils piquent des cochons, qu'ils piquent des femmes, des enfants. Ils se préparent à quelque chose? Non, ils essaient simplement de créer des mutations génétiques entre leur propre race, qui est là depuis quelques 130 millions d'années, sous terre, parce qu'ils ont besoin d'atmosphères similaires. Ils n'ont pas muté biologiquement, ils ont besoin d'atmosphères nitreux. Sulfureux, avec la chaleur, etc. Et puis ça manipule assez l'humanité pour engendrer un effet de serre planétaire. Mais eux ont simplement besoin de génétique. Alors de temps en temps, ils sont organisés avec le FBI, entre autres, et puis à Disney World, ils vont piquer des enfants, puis des places comme ça. Et puis dernièrement, il y a une personne qui est revenue, puis justement, s'est fait kidnapper deux de ses jeunes. Et puis elle croyait pas ce qu'elle avait lu dans la Cité de Sept. Dans la Cité de Sept, c'était un roman, mais c'était un roman intéressant. Mais j'ai pas dit Disney World là-dedans. Et puis elle est partie là-bas, effectivement, puis elle avait trois enfants, mais elle est revenue avec un, puis la police lui ont dit, écoutez madame, ça sert absolument à rien qu'on cherche, chaque fois qu'on cherche, on trouve rien. Ils ont déjà démonté des manèges au complet, puis ils ont trouvé. Il y a là, ouais, des bons contacts pour, de là à polluer, polluer l'air, pour qu'il y ait un contexte qui leur est favorable. Oui, effectivement, pour la simple raison qu'ils ont une technologie intéressante qui échange progressivement avec certaines parties de pour l'homme qui se conscientise, ces intraterrestres-là ne sont pas plus dangereux que d'autres extra... Non, les intraterrestres ne sont pas dangereux pour les êtres humains. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que l'humain est probablement la bibitte la plus dangereuse qui existe dans tout le continuum dans lequel on est. Mm-hmm. Alors, si tu as peur des extraterrestres, fais-toi-en pas qu'ils ont bien plus peur de toi que tu as peur d'eux autres. Bon. Les intraterrestres ont bien plus peur de l'humain que l'humain a peur des intraterrestres. Premièrement, l'humain propose intraterrestres, ça arrange un peu les intraterrestres. Il y en a évidemment qui se ramassent quelques pieds sous terre avec eux autres, ils le croient un peu tard. Mais l'humain a accès à la fusion et à la fission nucléaire. Okay. Et l'humain a, par sa structure biologique, l'un des corps les plus résistants à la mutation. Les extraterrestres, lorsqu'ils restent trop longtemps sur le contexte planétaire, sont altérés mutatoirement puis finissent par devenir des espèces de bébites, ça n'a plus de sens. Alors, ils ne peuvent pas rester longtemps sur la planète, doivent passer le temps à sacrer le camp. Les intraterrestres, eux, mutent progressivement, se défont lentement, et puis le moindrement qu'il y aurait une guerre à caractéristiques nucléaires, on balayerait carrément les intraterrestres. C'est pourquoi ils participent énormément au désarmement plurilatéral depuis longtemps. La problématique, c'est que l'intraterrestre a besoin d'une guerre massive sur le plan planétaire pour anéantir surtout les territoires où l'intelligence va s'exprimer. Premier territoire où l'intelligence s'exprime, ça a été la Judée. Deuxième territoire où l'intelligence s'exprime, ça a été l'Allemagne. Troisième territoire où l'intelligence s'exprime, c'est les États-Unis d'Amérique. Puis quatrième territoire où l'intelligence s'exprime, c'est le Québec. Et les États-Unis d'Amérique vont devenir l'armée du Québec. On parle du Québec ésotérique, donc d'une grande partie du Canada dans l'avenir. Les intraterrestres ont donc un intérêt majeur de travailler avec certains peuples, que je n'aimerais pas, pour obliger ces peuples-là, dans le rituel fanatique, à se diriger vers une guerre à un moment donné, dans le but d'anéantir certaines choses. Et ça fait partie d'un paquet de bébiles qui sont prévus par un paquet de personnages qui sont morts. Ça ne rapporte pas de prévoir les choses. Alors ça, c'est des choses. Les intraterrestres, c'est pas un gros problème. C'est vraiment pas un problème. C'est sûr que de temps en temps, si tu as rencontré un qui a une hache, puis qui te court après, c'est un problème. Mais quand vous rencontrez un humain qui a une hache, qui vous court après, c'est un problème aussi. Ça ne veut pas dire que l'humain est un problème. L'intraterrestre, c'est pas... Ils peuvent pas, sont pas, c'est pas puissant. Ça creuse des trous, puis le sol tremble un petit peu de temps en temps. Puis bon, ils sortent sur le Saint-Hilaire, puis là, ils vont jaser là-bas, là, puis pour ça, ils rentrent. C'est pas un problème, les intraterrestres. L'humain, beaucoup plus un problème. Donc, au niveau du Québec, il va y avoir un réveil massif d'un paquet de personnes. Une chose qui est certaine, c'est que, inconsciemment, plusieurs personnes et même plusieurs hommes politiques ont peur en étant ravis parce qu'ils ont l'impression que le Québec, le Québec politique, sera similaire à ce qu'a été l'Allemagne d'Adolf Hitler, dans l'avenir. Mm-hmm. Puis, en 92, il va y avoir de plus en plus de révolutions à cause, justement, des espèces de révélations qui vont apparaître à travers le Québécois. Et il y aura progressivement un chambardement. Ça commence. En 92, on va avoir des traces. 93, ça va s'amplifier. Et 92, on va avoir des traces de mutations, de changements. Au Québec, en 92, il va être présenté socialement ainsi que politiquement. Puis évidemment, ça va déborder ailleurs, ça va être exporté. En réalité, ce ne sera pas exporté, ça va être importé par les autres. Il va être présenté au Québec des solutions sociales comme on n'en a jamais vu encore dans le monde. Ça va commencer en 92, continuer en 93, mais du Québec est en train de naître. Quelque chose de très intéressant. Alors, il y aura donc nécessairement attraction de mécaniques extraterrestres parce qu'ils sont à la recherche de solutions pour leurs propres problèmes. Puis évidemment, quand l'humain commence à être intelligent, bien, il rencontre des êtres intelligents. Fait qu'il y a aussi des mécaniques extraterrestres intelligentes qui vont se pointer, mais celles-là ne voyagent pas en vaisseau spatial. Tu vas au poste d'une soucoupe qui s'en vient, qui fait 3-4 tours, qui lâche un petit pet lumineux qui casse ton cadran électrique, après ça, il vient atterrir dans ton champ, brûler la moitié de ton parterre. Puis là, il y a un bonhomme qui sort de avec des grands bras parce qu'il a peur de toucher, encore tu auras des microbes. Puis là, il vient te dire qu'il va revenir. Puis là, il rembarque. Il s'en va. C'est les rencontres du troisième type les plus fréquentes. Ces êtres extraterrestres-là ont des problèmes. Mais l'humain a des problèmes. Parlons de l'humain. C'est ça. Il contacte l'humain pour... Il contacte l'humain. Il espionne l'humain. Ils veulent voir. Okay. Comme on fait nous autres, on étudie les abeilles. Pas vous autres, là, mais il y a beaucoup de personnes qui ont étudié les abeilles pour comprendre comment elles vivaient socialement. Puis on trouvait ça génial. Ils partaient, trouvaient une petite fleur, ils revenaient, faisaient une petite danse, la gang partait au complet, puis une petite fleur, puis ils revenaient toutes. Ils ont étudié les fourmis. Ils ont étudié plein de choses. Puis un jour, ils se sont rendus compte que lâchons les rats, puis étudions l'humain. Je commence, étudie l'humain pour comprendre l'humain. Mais on fait la même chose. Et quand on est allé sur la Lune, là, il n'y a pas de lunier. Il y a des lunatiques qui traînaient là, mais il n'y avait aucun lunier. Ils n'ont pas pu étudier. Mais l'humain ferait la même chose. Il va aller ailleurs. Puis c'est pas parce qu'on peut voyager dans un transport matériel qu'on est extrêmement évolué. Conscientisé, disons. On est très évolué, mais pas conscientisé. Je le dis souvent. Imaginez qu'on reste sur la Lune. Après 4 milliards 500 millions d'années, 600 millions, le temps passe. Et puis à un moment donné, ben là, il y a une espèce de bébite à quatre pattes qui s'en vient, qu'on appelle un module lunaire, qui vient atterrir de paix et de misère tout croche sur la Lune. Et de là, de tout ça, il sort un gars qui se met à marcher sur la Lune. Puis il se met à danser sur la Lune, tu sais, comme s'il avait jamais marché sur la Lune, lui. Il se met à sauter. Puis il regarde ses traces, il prend des photos de ses pas dans le sable. Là, nous autres, on aurait... Qu'est-ce qu'on penserait? Bien, premièrement, si on ne peut pas voyager, on se dirait, voici Dieu. Puis Dieu danse parce qu'il est content d'être là. Puis il est tout bien habillé, des bebelles, etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait, amène-nous sur ta planète, on veut aller au paradis. Là, il nous ramène aux États-Unis d'Amérique. Il nous lâche à New York. Dans le Bronx, en plus. Ou à Los Angeles, ou n'importe où. C'est pas parce que l'être a la capacité de transport physique qu'il y a de la conscience. L'expérience, ça te permet bien des choses. La souris, elle apprend avec l'expérience. Elle apprend un choc là, apprend un choc là, puis elle mange là, bien, à un moment donné, elle mange là. Puis c'est pas parce qu'elle est intelligente, c'est pas parce qu'elle est consciente. Mais est-ce qu'on va pouvoir s'en servir de cette conscience-là? On. Qui? Ceux qui l'ont. Ben oui. Parce que... Ceux qui l'ont vont pouvoir s'en servir. Moi, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui ont le savoir, qui ont l'intelligence, mais qui ne peuvent pas l'exprimer dans la matière. Bon. En 92, il y a un autre phénomène extrêmement intéressant qui atteint les personnes qui se conscientisent, qui atteint la majorité des individus capables de supporter du neuf. Le phénomène supramental, vous savez, on prend des mots pour communiquer, on n'a pas le choix. Tous les mots qu'on emploie sont des mots conceptuels. C'est-à-dire qu'un concept, c'est l'agglomération de données placées dans un ordre apparemment logique. Et même la logique est dangereuse. La logique est très émotive. La logique, c'est pas mathématique. Même les mathématiques, de toute façon, sont émotives. Alors, c'est conceptuel. Quand on parle de phénomène supramental, c'est pas une grosse bébite. Quand on parle d'un faisceau ou d'un rayon, moi, j'emploie rarement ces termes-là. Bon, mais le phénomène supramental, c'est une atmosphère. C'est partout. C'est comme le faisceau orange d'une lampe blanche. Bien, il n'est pas de faisceau orange. La couleur orange est partout. Notre œil la voit ou notre œil ne la voit pas, mais elle est là quand même. Alors, le phénomène supramental, il va s'exprimer à travers l'humain de trois façons. La première, elle s'exprime à travers l'humain depuis le début des années 1900. C'est le savoir. C'est-à-dire que l'intelligence supramentale descend à travers la majorité des personnes, Mais il y a des personnes qui n'ont pas de génétique capable d'exprimer l'intelligence, et d'autres ont trop de mémoires spirituelles religieuses, sont trop archétypées, barrées sur de vieilles formes, pour être capables de reconnaître le néotype, la nouvelle forme. Ça s'exprime comment? La première chose, c'est le savoir, c'est-à-dire que l'humain sait. Alors, à un moment donné, vous savez que c'est pas correct, ça. Puis là, vous savez que c'est plus ça que vous voulez faire. Puis là, vous savez que vous êtes fait avoir. Puis là, vous savez que la vie peut être bien plus absurde qu'on peut penser. Mais c'est parce qu'on voit nombritiquement parlant. Il faut toujours envisager sa vie sur 5 ou 600 ans. Parce que sur une cinquantaine ou centaine d'années, c'est toujours assez déprimant. Et puis là, l'humain sait. Là, mais normalement, il ne sait pas ce qu'il aura à faire. Parce que ce n'est pas une question d'accomplir des choses dans le but de faire. Ce n'est pas une question de faire les choses. L'être nouveau n'est pas un être qui va laisser des traces. C'est un être qui avance comme un bateau dans l'eau. Il fend l'eau, puis derrière lui, l'eau n'est jamais brisée. L'être nouveau, ce n'est pas quelque chose qui va laisser des traces. Ce n'est pas un pollueur de contexte, d'événements, de système planétaire ou encore d'univers. Alors, l'intelligence, premièrement, elle s'exprime par le savoir. Vous savez. Vous savez, là, que ce n'est pas ça que vous devez manger. Puis là, vous vous dites, ouais, mais tu sais, je suis ça, mais il n'y a rien qui me dit que... Là, on se fie à notre mémoire. J'ai pas lu là-dessus. Puis là, après avoir lu un paquet d'affaires, lui, il dit que c'est bon, l'autre, il dit qu'il ne sait pas, puis lui, il dit que c'est dangereux. Là, on se dit, ouais, mais c'est ça, là, on ne sait plus quoi faire. C'est ça, branchez-vous sur vous autres. Il y a une personne ici qui, en mangeant des pommes de terre, va se guérir d'un cancer. Mais il y en a un autre, si elle en mange, elle va attraper un cancer. Alors, celui qui se guérit du cancer en mangeant des pommes de terre, il va écrire un gros livre là-dessus, puis il va dire, ça guérit du cancer. Puis c'est vrai. Il est la preuve vivante. Puis il y en a un autre qui s'essaye, oui, c'est la preuve morte, que l'amidon, c'est un problème. Lui, il écrit pas de livre. Lui, il écrit pas de livre. Mais s'il en écrirait un, il courrait bien plus. Parce qu'il est mort. Mais il y a au moins un. Le savoir. On sait. Puis vous savez. Mais très souvent, on le sait. Oups! On veut pas le savoir. Attends, j'ai mangé. Attends, j'ai fini ma cochonnerie. Après, tu viendras. Hein? Attends. Bon. Le savoir. Le savoir se développe progressivement plus l'humain a la capacité psychologique de supporter l'écoute du savoir. Le savoir, c'est pas « Hey, faut pas que tu fasses ça. » C'est pas ça, le savoir. Le savoir, c'est qu'à un moment donné, là, vous savez que c'est pas ça. Et on le sait. Vous savez ce que vous devez manger, quand vous devez vous coucher, quand vous devez prendre des vacances. Vous l'expérimentez par la fatigue, mais à un moment donné, vous le savez avant d'être fatigué. Parce que l'intelligence t'amène toujours quelque chose avant, tu n'as pas besoin d'expérimenter le problème. L'intelligence ne guérit pas, elle prévient. Une société intelligente, là, ça ne guérit pas. Ça sacrifie une génération de problèmes, puis ça attaque ceux qui vont venir, pour qu'on n'en ait plus. Mais une société qui fonctionne sur la mémoire, c'est une société de cure. Quand il y a beaucoup d'alcoolistes, on travaille dessus. On travaille sur les alcooliques. Investis donc sur ceux qui ne sont pas pour qu'ils deviennent. Ah, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas assez d'argent. Mais là, ceux qui sont mal pris, va-t'en sur ceux-là. Puis dans ceux-là, il y en a assez qui vont arriver, qui vont être capables d'aider ceux-là. Mais ça, on ne le voit pas, ça. On est d'une société de cure. Quand on a le savoir, on approche souvent la frustration. On peut arriver à l'écœurement, même à l'écœurement de l'écœurement. Ce qui amplifie notre contact avec le savoir souvent, c'est-à-dire que là, on voit encore plus, commencez pas. En 92, certains personnages, c'est pas des personnages particuliers, il y en a parmi vous, là, mais c'est des personnages, ça. Certains personnages vont, du savoir, être capables d'exprimer le deuxième facteur de l'intelligence supramentale à travers de l'homme, qui est celui de la volonté. L'être humain n'a pas de libre-arbitre. Bon, là, j'expliquerai ça à un autre moment donné. J'en parle assez souvent en séminaire, mais j'en parle pas, je le prouve. Je pose la question, puis ceux qui en ont plein, là, ben une demi-heure après, ils n'en ont plus. Bon. On sauve du temps. Parce que les gens qui achètent des billets de loterie pour perdre, là, ils ont des libre-arbitre. Mais si tu en achètes un pour gagner, puis tu ne gagnes pas, là, ton libre-arbitre, le cherche-le. Bon, c'est bon. L'être humain arrive à l'étape de volonté. La volonté humaine, qui est une illusion, parce que dans le contexte psychologique de l'humain, psycho-émotif de l'humain, dans le contexte spirituel, il y a toujours des copies mémorielles de choses qui font partie de l'être nouveau, de la réalité. C'est ce que l'humain appelle les dieux. Un jour, vous allez être divin, plus humain. Alors, vous pouvez, même l'humain, il sait que l'être humain, c'est pas... Ah ouais, mais tu sais, j'ai fait ça, mais on est humain, hein? C'est toujours qu'on parle négativement quand on parle d'humain. Même l'humain, là. Ça en sert comme excuse. La volonté humaine demande de l'énergie. La volonté supramentale, c'est-à-dire qu'une fois que tu exprimes le savoir, à un moment donné... Le savoir, on l'exprime en parlant. en jasant avec du monde de notre calibre, du monde qui ont de l'intelligence. Pas en jasant avec des gouttes de corde à linge. Peut-être. Mais en tout cas, avec quelqu'un qui peut jaser intelligemment de corde à linge. Bon. Qu'une fois qu'on a beaucoup jasé, ouais. Moi, j'ai beaucoup d'intelligence. Et j'ai beaucoup jasé. Mais toi, il faudra que tu jases. En tout cas. Et puis, à un moment donné, il arrive ceci, il arrive que l'humain qui a suffisamment d'intelligence chez lui commence à développer une volonté. La volonté, au départ, elle est supportée par une colère mentale, elle est supportée par l'écœurement, elle est supportée par l'absorption de l'écœurement. C'est-à-dire que l'énergie, au lieu de la rejeter dans l'écœurement, de maudire autrui, puis de maudire la vie, etc., c'est l'énergie qu'on perd. Mais tu contemples les choses. Puis là, plus ça te dérange, plus tu ramasses de l'énergie. Tu sais, ta roue de secours, tu ne l'as jamais vérifiée. Là, tu as une crevaison. Là, tu observes les deux roues, la roue de secours qui est vide, puis la roue qui est à plat. Puis là, là, contemple ça. Il y a des fortes chances que tu vas avoir suffisamment d'énergie après pour avoir de la volonté, sans problème, sans effort et sans mérite, pour t'organiser comme du monde. Il faut que l'humain absorbe. La volonté par l'intelligence supramentale, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous êtes capable d'accomplir une chose sans effort. Autrement dit, vous pouvez passer beaucoup de temps à vouloir arrêter de fumer, à vouloir arrêter de manger, vouloir cesser d'être colérique, vouloir cesser de voir les fantômes, vouloir cesser de croire, vouloir cesser de n'importe quoi. Et là, il vous manque de volonté. Là, on vous brasse là-dessus, là, t'as bien pas de volonté. J'explique souvent aux séminaristes que la volonté est une lubie, une illusion au niveau psychologique. Celui qui travaille beaucoup, qui est un grand travailleur, n'aura jamais la volonté de passer un mois rien faire. Il n'a pas de volonté, lui. Il ne peut pas arrêter. Puis celui qui ne travaille jamais, un grand paresseux, il ne pourra jamais travailler un mois sans arrêt. Il n'a pas la volonté. Okay? La volonté n'est pas une question de « Ah oui, mais tu devrais avoir la volonté, moi j'ai arrêté de fumer comme ça. » Oh oui. Parce que tu étais bâti pour arrêter de fumer comme ça. Puis là, on va aller narguer l'autre avec sa volonté. Et lui, il prend du temps, lui, puis etc. Là, puis t'as même pas de volonté, que t'arrêtes. Moi, j'ai décidé que j'arrêtais. T'as décidé quand tu pouvais arrêter. T'étais chanceux. Lui, il a décidé quand il pouvait pas, fait que c'est bien compliqué. L'humain va arriver à exprimer en 92 de plus en plus une volonté qui procède du non-effort. C'est qu'à un moment donné, si ça va germer, ça va bouillonner chez toi, puis à un moment donné, ben, ça va s'appliquer chez toi. Ça, c'est la volonté. Troisième vecteur de l'intelligence supramentale au travers de l'humain, c'est la créativité. Mais la créativité, l'humain n'exprime pas ça en 92, ni en 93, ni en 96, ni en 2000. L'humain, présentement, n'est pas créatif. L'humain, présentement, il a de l'énergie, de l'intelligence ou encore de l'intellectuance, puis ne sachant quoi faire avec, il finit par en rejeter des parcelles, puis c'est ce qu'il appelle la créativité. Mais la créativité de l'humain actuellement, c'est toujours quelque chose qui transforme le vieux, qui adapte le vieux. La créativité supramentale, c'est quelque chose qui va créer du neuf à partir du neuf. À partir de rien, diraient certaines personnes, moi je crois. C'est mieux à partir du neuf, c'est plus réaliste, le rien, on connaît ça. Alors, donc, en 92, il y a de plus en plus d'individus qui vont avoir la capacité, subitement, de voir leur vie se transformer sans qu'ils placent de l'effort là-dedans. Mais le gros danger, c'est que si l'humain met de l'effort là-dedans, il va retarder l'accomplissement banal d'une mutation événementielle. Autrement dit, on revient toujours avec la même facétie paradoxale. Plus vous êtes pressé, plus ça prend du temps. Plus vous êtes patient, plus ça va vite. C'est logique, parce que plus tu es pressé, plus tu as des goûts. Plus tu as des goûts, plus c'est là. Faut-tu obligatoirement passer par l'étape de l'écœurement? Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'écœurement? Les gens ont peur de ça. Les gens sont écœurés de m'entendre parler souvent. Comprenez une chose. La majorité des clés pour nous permettre d'avancer ont été atténuées par les structures religieuses et par les structures scientifiques. Puis entre la religion et la science, on a les structures psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, etc. Bon. Pourquoi elles ont été atténuées? Parce que l'homme, à l'époque, n'avait pas la solidité psycho-émotive pour être capable de supporter des révélations. On atténuait. Alors, on va dire, la parole est d'argent et le silence est d'or. C'est faux. La parole est d'or. Le silence est d'argent. C'est en parlant que l'humain se développe. C'est en parlant que la lumière jaillit, c'est en parlant qu'on solutionne des problèmes. Vous avez un problème, vous ne connaissez pas la réponse, la solution, vous rencontrez un autre qui n'a rien non plus là-dedans, vous parlez, puis subitement vous trouvez. Ben ça, c'est la parole. Mais dans les structures, c'est toujours ferme là. Bon. Et il y en a plein comme ça. Comme tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est faux! tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. En réalité, tu t'aimes toi-même comme tu aimes ton prochain. Là, il y a de quoi aller chercher là-dedans. Parce que quand tu détestes, tu te détestes. Mais c'est pas aime ton prochain comme toi-même. Le masochiste, il n'ira pas taper à la tête à tout le monde parce qu'il aime ça, ça tape à la tête. On a changé bien des choses comme ça. Bien des choses. Tu ne jugeras point, etc. C'est pas vrai. C'est parce que si tu juges un jour, tu vas te juger. Mais on dit, juge pas parce qu'un jour, tu seras jugé. Oui, mais par toi. Parce que lui qui juge autrui, à un moment donné, là, c'est, il commence, c'est lui qui est son pire juge. Là, il s'aime plus, puis là, il se trouve ci, puis là, il se trouve ça, puis moi, il donne. Tout ce qu'il a trouvé, ses autres, il commence à l'envirer vers lui. Puis c'est pas des lois. Dans le sens, faites-le pas. Parce que même si on le dit à l'humain, l'humain manipulé, l'humain va le faire quand même. Ce sont des mécaniques cachées. À travers la conscience, on en a plein d'autres mécaniques cachées. À un moment donné, l'humain va découvrir qu'il doit parler. L'humain va découvrir, par exemple, que le libre-arbitre n'existe pas chez lui. Il a une liberté dans la conscience. Il n'a pas de liberté de libre-arbitre, ni dans l'action, ni dans les motifs, ni dans l'évolution, ni dans le bien et le mal. L'humain, il sait toujours si c'est bien ou mal après l'avoir fait. Sauf s'il l'a appris. Mais ça reste après que l'autre l'ait fait. Bon, c'est pas un phénomène instantané, ça. Hein? Si j'avais su, un crime, si on avait les barbites du bien et du mal, si on avait su, on fait. Toutes les conneries que vous avez faites dans votre vie, si vous auriez su, les auriez-vous faites? Non, c'est parce que vous êtes intelligent. Pourquoi vous les avez faites? Parce que vous êtes manipulé. C'est tellement facile. Mais c'est pas toujours évident qu'on n'a pas de libre-arbitre. Ben non, c'est pas toujours évident, c'est évident, parce que les structures qui te manipulent, ils disent pas Jacques, lève-toi, puis va boire du vin un peu plus que 0.08. Non, on dit simplement dans ta tête, tiens, je pense que je vais aller prendre un peu de vin. Puis comme on veut pas se prendre pour un fou, ben parce qu'on vient de penser que ce serait intéressant d'aller prendre du vin, bon, il va. Puis parce que lui-même manipulé émotivement, imaginez ceci. Il y a un Russe, Oli Russe, il s'appelait Pavlov. Lui, il en a fait laver du monde. Pavlov, il y avait un chien, il avait, en tout cas, connecté quelque chose, puis là, il sonnait une cloche. Beding, beding, beding, beding, puis il nourrissait le chien. Le chien se mettait à baver, hein, à saliver, puis là, il mangeait. Puis là, il a fait ça longtemps. À un moment donné, là, Pavlov, il sonne la cloche. Ding, ding, ding, ding, il nourrit pas le chien, puis l'autre, il se met à baver au pareil. C'est un réflexe acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain finit par se faire ramasser par un paquet de choses. Si le chien, en entendant la cloche, est capable de saliver, ça veut dire que toi, tout ce qu'on a à faire pour te forcer à manger trop, c'est s'organiser pour que, endocrinalement parlant, ton corps réagisse de telle façon. Là, tu vas avoir le goût du chocolat. Là, tu vas avoir peut-être une hypoglycémie particulière. Ou tu vas avoir le goût de telle affaire. Puis là, ben là, écoute, c'est moi qui décide que j'y vais. Quand est-ce que vous décidez que vous avez soif? Vous pensez décider que vous buvez. Mais vous buvez parce que vous avez soif. Hein? Ah, mais c'est quand même moi qui ai décidé que je mange une banane le matin. Non. Parce que si tu n'aurais pas eu le goût de la banane, tu n'aurais pas mangé la banane le matin. L'humain pense que, ce qui fait que la majorité, sinon 100% de tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pas nous qui l'avons fait. On reviendra là-dessus au courant de l'année. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que l'humain se culpabilisant de l'avoir fait parce qu'il s'accroche à l'idée qu'il a les barbites, mais toute son énergie qui l'amènerait à la conscientisation, il la perd dans l'évolution. Il la perd dans la culpabilité, il la perd dans les tentatives de se changer. Je dois me changer. Je ne dois plus succomber à la tentation. Elle vient de où, la tentation? Et l'humain a beau penser qu'il y a un libre-arbitre, mais c'est une belle manipulation, une belle illusion aussi. Sans ça, on ne ferait pas ce qu'on a. Si vous auriez recommencé votre vie, vous feriez pas la même chose. On nous cache tout. Pour sortir de ce cycle-là, il faut se conscientiser. Non. Non? En te conscientisant, tu sors de ce cycle-là. Mais tu ne décides pas que tu te conscientises. Mais comment la conscientisation, là, te ramasse à un moment donné par les culottes, pas te lâche plus. Mais là, je prends une pause, là. Je ne me conscientise plus pendant un mois. Ben oui, c'est ça. Essaye, voilà. Ça va. Il n'y a pas de libre-arbitre même à ce niveau-là. Non. Par contre, tu as une liberté dans ta conscience. Mais la liberté de la conscience dans l'humain ne lui permet pas présentement d'exprimer de la volonté dans son événementiel, donc dans sa vie. Ça va venir en 92. Il y a des personnes qui vont commencer à exprimer de la volonté. Ces individus-là vont transformer les cadres événementiels du Québec. Ça va commencer en 92. Ça va continuer en 93. Puis c'est par imprégnation, disons que c'est contagieux. Quand tu parles de cadre événementiel, tu fais allusion à quel cadre? Les cadres pédagogiques, politiques, économique, 92. Scientifique, tous les facteurs de la science, l'informatique, le médical, la physique et les autres, tous les facteurs de la science, 93-94. Mais quand on met des dates, on parle un peu dans le temps. Mm-hmm. Parce que le temps est en mouvement. On met des dates à peu près. On estime. Bon, quand sachez que ça va coûter plus cher, ça va peut-être un peu plus tard. Quand tu parles de changer, quel genre de changement à ces niveaux-là qu'il va y avoir? Hein? Pour 80, le mieux, ouais. 92, je ne vais pas en parler, on va le voir. Il va y avoir des changements intéressants, mais je ne sais pas, c'est plat. Ces changements-là vont aboutir à quoi? Ben, ça va aboutir qu'il va y avoir un changement au niveau du Québec. Ça va faire en sorte qu'à un moment donné, le Québec va avoir des solutions sociales peut-être tellement neuves et différentes, mais que la majorité des Québécois sont prêts à accepter. Évidemment, il va y avoir des résistances au niveau du traditionnisme, du traditionnalisme. Je vois un problème d'accepter du neuf, il faut changer une habitude. Changer une habitude veut dire changer une programmation égoïque. Changer une programmation égoïque engendre toujours souffrance. Parce que la souffrance, c'est uniquement le refus d'une mémoire à la transformation. Quelqu'un meurt, tu souffres, c'est parce que la mémoire de sa présence ne veut pas accepter le fait que l'autre n'est plus là. On te coupe, et encore il y a une souffrance, pourquoi? Parce que la mémoire biologique ne veut pas accepter la transformation physique. Ça n'empêche pas la guérison, ça n'empêche pas l'absurdité d'une coupure, mais on souffre uniquement pour ça. Oui, quel moyen utiliser pour atténuer ces souffrances-là, justement? Rire, s'amuser, se centrer. Qu'est-ce qui est important dans vos vies? Cherchez-le pas! Parce que c'est la quête de ça qui va devenir le point important. Ce qui est d'ailleurs le facteur de la majorité des spiritualistes. La vie n'a même plus d'importance. C'est la recherche qui est importante. Fait qu'à un moment donné, t'espères que tu ne trouveras jamais. Parce que si tu trouves, tu ne pourras plus chercher. Puis la recherche était le summum de ta vie. C'est un problème pour beaucoup de monde, ça, là. Même les scientifiques. Alors, on refuse quand on arrive. Parce que là, écoute, je suis rendu au paradis, là. Je fais quoi, là? C'est bien beau, là, mais... La harpe. Elle est où, la harpe? J'avais fou de la harpe, moi, là. T'es rendu au paradis. À la droite du Père. C'est génial. T'es rendu. T'es immortel, éternel, plus besoin d'aller aux toilettes, plus besoin de dormir. Tu manges plus, tu vas plus à l'école, tu fais plus rien, c'est le paradis. Il n'y a pas un ego humain capable de supporter ça parce qu'il perd sa mémoire. Ça ressemble à ça, le paradis, pour un ego. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de désir. Parce que le désir provient simplement de la mémoire. Parce que l'humain n'aura plus de mémoire, l'humain n'aura plus de désir. Parce que l'humain n'a plus de désir, l'humain est, pour celui qui a de l'ego, paradisier. Mais pour l'ego, là... Je t'arrive en haut, puis tu ne fais plus rien. On ne fera plus rien. Il va se passer bien les choses. Ça ne sera pas plate. Ça va même être différent d'être plate. Là, c'est plate, c'est la planète. Trois dimensions, quatre avec le temps, c'est pas plate. 13 dimensions là-bas. Alors, l'humain va, pour arriver à s'en sortir, l'humain doit rire, l'humain doit s'amuser. Je répète que l'évolution, c'est compliqué, c'est souffrant, c'est flagellant, c'est... Vous avez mal à un genou, vous voulez guérir votre jambe, vous allez à l'oratoire, là, vous voulez avoir deux jambes pareilles, là, ben vous montez les marches à genoux, rendu en haut, vous avez deux jambes pareilles. Les deux genoux esquintés, tu sais, c'est... Bon. Ça, c'est de l'évolution, c'est méritoire, c'est fini, ça. Il faut que l'humain doit cesser de passer son temps à rechercher la souffrance, et on recherche la souffrance, on est bâti psychologiquement pour rechercher la souffrance. La preuve, au paradis, plus de problème! Tabarnouche! Ben, ça va être pas de suite. Hein? La paix. Demandez à un militaire, que penses-tu d'une planète où il y a la paix partout? Oui. Où on n'a plus besoin d'armée. Non. Au cas. Mais il n'y a pas d'au cas. Regardez, ben, c'est je veux dire. Mais tu veux en avoir un. Mais au cas. Mais en tout cas. Pour la majorité des personnes, c'est comme ça. J'ai connu une personne qui a gagné 1 000 000 $ à la loterie. Elle s'est tout payé ce qu'elle a besoin, sa femme, ses enfants, plus toute la famille au complet qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Bon. Elle a tout payé ce qu'elle a besoin. Merveilleux! C'est le bonheur, la maison, le foyer, le petit, tout parfait. Parfait. Ça n'a pas été long que c'était parfait. Là, ils se sont dit, l'autre à côté, là-bas, là, il n'y a pas de souffleuse, lui, hein, pour l'hiver. Peut-être qu'on devrait l'aider, tu sais, peut-être que... Là, il a commencé à poser sa souffleuse dans son sentier, puis dans le garage de l'autre, dans l'entrée du garage de l'autre. Et oui, il se cherchait des problèmes. Mais il y en a eu. À un moment donné, ben là, il n'y a plus d'argent. Puis il s'est occupé d'un paquet de monde. Parce qu'il n'était pas capable de supporter ce qu'il y avait. Il se sentit coupable. Il fallait qu'il donne. Puis on s'est organisé dans son entourage pour qu'il se sente coupable comme du monde. Il fallait qu'il soit humain, il fallait qu'il partage, il fallait plein de choses. Bon. Puis quand il n'y a eu plus rien, ben écoute, t'étais bien épais, puis t'en as pas dû, puis après il donne. Tu sais, plein d'affaires de même. T'aurais dû investir dans mes bebelles, c'est pas dans cette affaire-là. Tout le monde l'a renié, le bonhomme. Alors qu'il avait tout. L'humain présentement, d'ailleurs, c'est une des grosses révélations, c'est quand l'humain va découvrir que ce qu'il attend de l'autre côté, c'est extrêmement différent. Un humain qui est muté, puis l'humain va muter. Les relations sexuelles tombent de, pour les hommes, de beaucoup à zéro, pour les femmes, de temps en temps, à zéro, sauf pour avoir un petit. Là, il y a un paquet d'hommes, puis il y a plusieurs intervieweurs que j'ai eu qui me disaient, « Ouais, ben j'espère, c'est pas pour tout de suite, ça, là. » C'est le problème. T'auras plus le goût, donc tu souffriras pas. Aujourd'hui, tu peux, mais t'as le goût, puis tu souffres. Mais l'humain égocentrisé, l'humain qui fait partie de l'égocratie, qui est bâti là-dedans, ben nécessairement avec ses mémoires, il ne voit pas ce que ça va donner. Demandez aux jeunes, le prépubère, ils souffrent-tu bien, eux autres? Ils vont dire quoi? De quoi tu parles, là? Hey, on peut leur expliquer la souffrance qui manque. Puis on se vante des plaisirs, nous autres, là. On se vante des plaisirs. Aller à un party, c'est génial. Tu bois, tu te saoules la gueule, après ça, tu prends des rouges. Tu rentres chez vous, ou chez l'autre. Tu te couches. Puis là, ben là, tu remets en bouteille ou en chaudière ou dans la toilette la moitié de ce que tu as acheté. Tu as la boisson, ben, venez-vous, ça va à peine. Puis le reste, tu le transpires dans la pièce, ça sent partout. Puis après ça, tu as un mal de bloc. Puis qu'est-ce qu'on vend? Les plaisirs de la boisson. Socialement, c'est intéressant. Tu sais, pourquoi faire facile quand on peut faire difficile? C'est ça, l'humain. L'humain doit, pour arriver à se libérer de plusieurs mécaniques, il doit se centrer sur lui. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Vos enfants? Non. Vos parents? Non. Ben, votre emploi? Non. Votre corps physique? Non. Ben, votre âme? Non. Votre conscience? Non. Votre auto? Non plus. Puis, es-tu connecté? Ah! Trop tard. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Parce que vos enfants, ils vont vous lâcher. « Ah, je leur ai tout donné, puis ben c'est ça, ils l'ont pris, voilà. Hein, c'est simple. Ils leur ont donné. Alors, vous voulez, ça sera pas prêté. Bon. Votre automobile, elle va changer. Votre corps physique, entretenez-le au maximum du point de vue de ce que vous appelez souvent l'esthétisme, disons, cutané. Mais il s'en va. En bas, il y a une ride qui apparaît, on le camoufle, il ressort là de bord, on le camoufle, il ressort ici, bon, non, mais bon, oui, donc. Mais à un moment donné, ben, je suis pas si pire que ça, ridé comme ça, puis je crois que c'est oui, donc. Hein. Hey, qu'est-ce que c'est? Les cheveux! Torieux, il y en a qui sont là, ils comptent presque, ils en remettent, ils en replacent, ça tombe pareil. C'est à cause de nos arrière-grands-pères, c'est une question de génétique, t'sais, lâche-toi un peu. C'est quoi la vie? Bon, le matin, je suis en retard. Tu l'as constaté? Parfait. Viens en retard. C'est tellement simple. T'es en retard. Bon, c'est réglé. Moi, je dis souvent, quand je suis ambulancier aux gens qui allaient vite, mieux vaut être patient au volant qu'à l'hôpital. Bon, c'est logique. C'est facile, la vie. La conscientisation, c'est que tu te rends compte à un moment donné que tout est une farce. C'est un mensonge cosmique. Puis si t'es capable de ne pas t'attacher à ta science, à tes concepts, à ta philosophie, à ta tradition, à ta religion, à ta famille, à tes habitudes, à tout ce que tu penses être toi, alors que c'est vraiment pas ça du tout, on passe notre vie à se battre contre ce qu'on est, pour essayer de trouver ce qu'on est. Puis quand on le trouve, bon, on chante, fait que ça va la peine. Et c'est simple. On est autre chose que du corps physique, de la matière, de l'argent, du travail. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? C'est ça qu'il va falloir qu'il trouve. Pas en 92, ça va l'aider à vivre en 92. Ben, après aussi. Il n'y a pas une structure théologique ou aucune structure philosophique de quelque ordre que ce soit qui devrait être conservée si elle n'est pas capable de nous supporter totalement dans n'importe quelle circonstance de la vie. Ça veut dire quoi? La religion me supporte bien s'il y a une guerre. je paie à ma famille, je paie à tout le monde, puis je prie Dieu, puis j'essaie de bon, puis j'espère qu'il s'en occupe, etc. Ça me supporte. Mais si vous ramassez au paradis, votre religion ne vous supportera plus. Tout n'est pas fait. Là, je fais quoi? Dieu, merci d'avoir rien prévu pour moi, pour mon horaire aujourd'hui. Votre religion ne vous supportera pas dans le bonheur. La science ne te supporte pas dans le bonheur. Le savant qui a tout inventé, qui n'a plus rien inventé, là, il suce le pouce. Il fait quoi? Mais c'est quoi qui est important? Tout. Mais? Tout! Toi, tes enfants, ta femme, ton travail, ta vie, ton corps physique, tout est important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est utile. L'homme nouveau, il comprend différemment. Pour l'homme nouveau, il n'y a rien d'important, il y a des choses utiles. Mon marteau, il n'est pas important, il est utile. Mon automobile n'est pas importante, elle est utile. Quand elle ne fonctionne pas, elle n'est pas utile. Donc, je n'ai pas à chialer, je n'ai pas à sécréter, je n'ai pas à transpirer, je peux survolter la batterie, je peux l'envoyer chez le médecin garagiste, bon. Il paraît que... Toi, c'est une Lada, toi? Parce qu'il paraît que ceux qui ont des Lada n'ont pas été surpris de voir le démantèlement de l'Union soviétique. Ouais. Mais vivre, simplement se conscientiser, c'est de constater à un moment donné que tiens, telle affaire, hey, c'est une vraie farce, ça. Mais oui, c'est une farce. Je ne sais pas, mais là, qu'est-ce que je fais? Mais tu continues! Continue. Tu peux continuer? Tu continues. À un moment donné, tu auras l'énergie qu'il faut pour juste bifurquer ce qu'il faut pour t'en aller comme ça. Où est-ce que tu t'en vas, tu ne le sauras jamais. L'humain ne sait pas ce qu'il va. L'humain, il sait ce qu'il veut plus. Il ne sait pas ce qu'il veut. Puis, il ne sait pas ce qu'il va, l'humain. On ne saura jamais où est-ce qu'on s'en va. Non. On sait qu'on s'en va, mais... Parce que tu t'en vas pas nulle part. Faut comprendre, c'est que nous, traditionnellement, à coups de milliers d'années, on a fait des parallèles entre la matière et l'immatériel. Bon, faire un rime entre le matériel et l'immatériel, hein, ça paraît plus simple. Bon. Vu qu'on a fait des parallèles sans arrêt entre ces deux mondes-là, bien nécessairement, on en est rendu à penser que quand tu fais un voyage astral, tu fais un voyage astral. C'est une extra-conscientisation que tu fais. Ta conscience est ailleurs. Tu ne fais pas un voyage astral. Puis quand tu vois un corps astral, tu le crées pour être capable de supporter ce que tu es. Hey, j'ai vu mon corps astral. Bien, tu n'étais pas dedans. C'est ce que je te dis, justement. Tu n'as pas besoin d'un corps astral. Après ça, l'humain, lui, il vit dans toute une problématique au complet et à travers le fait qu'on a toujours fait des parallèles entre ces problématiques puis les solutions, on en est arrivé à conceptualiser, on pourrait dire, on l'a fait longtemps, à personnifier les mécaniques. Dieu, on l'a personnifié. C'est un grand bonhomme à barbe qui est blanc. Hein? Il n'est pas noir. Bon, parce que ça serait... Il n'y a pas de couleur d'abord s'il est noir. Là, l'humain est comme ça. Et on a personnifié longtemps. Par la suite, on continue à matérialiser les mécaniques ou à terrestrifier les mécaniques. Alors, on va dire, on est sur le grand sentier de la vie. C'est pas un sentier. Alors, on se déplace dans l'évolution. On ne se déplace pas. Nous, on est fixe. Les événements nous passent en face. On fait un paquet de parallèles avec les choses-là. Par exemple, pendant longtemps, la Terre était plate. Elle est encore plate aujourd'hui, puis pour d'autres raisons. Elle était plate. Bon, alors on pouvait voyager aux quatre coins du monde. Les quatre coins du monde, c'est parce qu'elle était plate, la Terre. Bon, c'est pour ça, les quatre coins du monde. Alors, on expliquait aussi notre philosophie en fonction de ce qu'on pensait. Alors, nécessairement, à l'époque, il devait y avoir une tortue, des éléphants, quelque chose qui tenait là, le monde. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a même pas besoin, ça tient tout seul. Moi, j'ai appris à la petite école, elle était petite à propos de ça à l'époque, qu'on restait sur la planète Terre à cause de sa vitesse. Si elle ralentirait, là, on partirait dans l'espace. Là, en physique, j'apprends que plus ça tourne, plus tu revoles. Énergie cinétique. Et là, tu te dis, c'est intéressant. Je suppose qu'il faut que ça tourne pas trop vite, puis assez vite, puis Dieu a dû travailler longtemps sur ce phénomène-là. Jusqu'à temps qu'Albert Einstein arrive, puis qu'il dit que la Terre courbe l'espace-temps, ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en échapper. Ça a de l'allure. C'est pas la finalité. Mais lui-même, faisant des parallèles avec ses structures, il est trop problématisé. Où on va? On va nulle part. C'est pas nécessaire d'aller quelque part dans la vie. Tout vient à nous. Hey, il commence à être correct. Non, mais c'est plus vrai que vrai. La conférence est finie, mais avant de partir, c'est plus vrai que vrai. Parce que tout ce que vous avez voulu avoir, l'avez-vous eu? Ah oui, mais je travaillais dur. Oui, mais as-tu eu le bonheur dans ton travail? Non. ce qui aurait dû être. Tout vient à soi. Mais par contre, il faut que tu sois toi. Quand tu es un peu l'autre, ben quelque chose vient pour l'autre, vient vers toi. Ben, c'est pas ça que tu voulais, toi, l'intrinsèque, c'est pas ça que tu voulais. Bon, les mandats, t'es un peu l'autre, puis un peu collectif, puis là, tu mets la casquette de l'autre, tu vas être dans la gang de là-bas, puis tu te maquilles pour arrêter d'accrocher là-bas. Puis tu sais, on est tous collectifs comme ça. On écoute les musiques à la mode, on est végétarien parce que c'est à la mode dans le milieu où je vais. Bien, c'est sûr que tout ce qui appartient à tout le monde vient à tout le monde, tout mélangé. Fait que là, t'es un médecin génial qui travaille comme ingénieur quelque part, puis l'autre, il est ingénieur, puis l'autre, il est médecin, il aurait voulu être ingénieur. Tout le monde est pas à sa place. Uniquement parce qu'on passe notre temps à vouloir endosser la vie et le chandail des autres. On est toujours jaloux de tout le monde. C'est pas la grandeur de ton gazon. Un cercle, là, ce qui fait sa perfection, c'est pas sa grandeur, c'est sa rondeur. Et l'humain, lui, il regarde pas la rondeur, il regarde la grandeur. Puis tout de suite, il part. Il se ramasse d'un carré d'un losange, un amancheux. Ouais, il est pas rond, mais il est grand. Ah oui, mais c'est pas ça que tu as besoin. Tu ramasses de la farine, c'est pas du pain, mais au moins c'est de la farine. Moi, je sais bien, mais mange-en à cuillère, ça, ouais, c'est pas la même affaire qu'un pain. Tu sais, c'est pas la même chose. Puis comme je dis souvent, on est des dieux en potentiel. C'est vrai. C'est vrai. Quand vous rencontrez là, une graine à terre, là, c'est un pommier en potentiel. Ouais, ça goûte pas à pomme. Hein? C'est de la philosophie. L'humain doit s'arranger pour se centrer, pour s'amuser. Puis le mois prochain, on va parler de toute façon en 2 heures de temps. Il va y avoir 2 sujets séparés à la conférence. On va parler des mécaniques de la conscience uniquement, c'est-à-dire de quelle façon, en s'amusant, on applique les choses. Mais il faut faire attention, c'est que les conférences de Daniel Kemp sont des conférences beaucoup plus énergétiques qu'informatives. Il en passe trop d'informations. Alors, on ne retient pas tout. Il y a une partie de ces cassettes pour ceux qui veulent réécouter, mais on ne retient pas tout. Sauf qu'à un moment donné, en retenant moins, de toute façon, ça vous assujettit beaucoup moins à moi, ce qui est extrêmement important pour nous autres. Et ça vous permet d'arriver à comprendre subitement quelque chose que peut-être j'ai dit, peut-être quelqu'un d'autre a dit, peut-être que personne n'a dit. Mais ça permet à l'ego d'accepter subitement l'intelligence qui descend chez vous, la vôtre. Quand on parlait de conscience, on parlait de quoi? On parle encore de choses très terre à terre. Mais quelqu'un me dirait, oui, mais moi, j'ai toujours des rhumatismes, là, y a-t-il moyen de guérir? Ça ne fera plus partie des conférences de Daniel Kim. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en prenant trop de temps dans des structures qui sont amplement supportées actuellement par des personnes au Québec, que ce soit des médecins, que ce soit des charlatans ajustés, que ce soit, il y a en masse de gens, qui vont être capables d'aider puis d'ajuster ces choses-là. 92, moi, mes conférences, je vais les amener là où les gens ou les autres ne vont pas, parce que ça va être plus utile de travailler comme ça. Ce qui fait qu'on parle de la conscience. La conscience, c'est quelque chose, t'en vas chez toi, puis t'es pas plus conscient, mais t'es plus effervescent, la conscience. T'es plus ouvert à n'importe quoi. Mais à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer, il y a des sens que tu ne connais pas encore qui vont s'émanciper, puis c'est toi qui vas faire ton propre travail en baignant dans une atmosphère qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un paquet de gens intéressants. Alors, les conférences ne seront plus ajustées. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne veux pas répondre aux questions du public. En séminaire, je répondrai à des questions du public et là, je les ajusterai en fonction du séminaire, donc en fonction de ce qui est utile pour les gens. Alors là-dessus, on s'amuse. L'évolution, c'est une chose. La conscientisation, c'est autre chose. Puis ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Alors, on vit. Bonne soirée. Thank you.